Salut, comme tous les dimanches, c'est Lost in Space, votre rendez-vous punk rock. Musiques expérimentales diverses et variées qui va attaquer immédiatement avec Honey Trap et des textes Trespassers W, traduction des chansons. C'est parti pour 3 heures et on se retrouve tout de suite. Remains. On good day, we said it. Best I think you know the rest. Mascara Cara, Mascara Cara, montre-toi, mortelle Belladone, révèle-toi, mystère par procuration. Qu'y a-t-il donc sous ton crayon gras ? Mascara Cara, Mascara Cara. Call. Mascara Cara, Mascara Cara, tu n'as pas d'âge, il n'est pas de page rétro. Ta jeunesse est captivante et communicative. Quel est ton tyran? Qui surveille ta Mascara Cara, Mascara Cara. While I had a mind, you, yeah. So you better watch out for the razors in the night. Mascara Cara, de qui donc peux-tu bien être l'ombre? Une déesse de la mort, une déesse de l'amour, je sens mon pâle visage embrassé par une mortelle. Mascara Cara. Quand je te surprends éhonté sans phare, je me sens comme un lèche-vitrine, comme si j'étais au Night Hawks devant un tableau peint par Edward Hopper. Dans ta tête, dans l'enfant. Mascara Cara, Mascara Cara, tu parles de la pluie et du beau temps. Un mariage de pacotille et de choses hors de prix. Objets de beauté, éthique souillée, trop fardée. Mascara Cara, Mascara Cara. Can I do them body my time? Vous êtes toujours sur Radioactive, Lost in Space. À l'instant, on a eu les Madcaps. On continue avec Steel Toe Solution. Radioactive, Lost in Space, 100 FM. Kau kan Thank you. Semaine après semaine, suivant son orbite comme un train suit les rails, Explorateur 1 s'éloignait de la Terre en direction de Jupiter. À la différence des navires qui cinglaient sur les mers terrestres, il n'avait pas besoin de la plus infime modification de cap. Son trajet avait été fixé en fonction des lois de la gravitation universelle et il ne risquait pas de rencontrer de tourbillons ni de récifs. Il n'existait pas non plus le plus petit risque de collision avec un autre vaisseau, car il ne s'en trouvait aucun, du moins aucun fait de la main de l'homme, entre lui et les plus lointaines étoiles. I know. Pourtant, l'espace dans lequel il pénétrait maintenant était loin d'être vide. Le No Man's Land qu'il s'apprêtait à franchir était sillonné des orbites de plus d'un million d'astéroïdes, dont 10 000 seulement étaient connus des astronomes terrestres. 4 de ces astéroïdes avaient plus de 200 000 de diamètre. La majorité d'entre eux n'étaient que des rocs géants éternellement dans le vide. Slow grind. It is a main line. Il n'existait pas de défense contre eux. Le plus minuscule pouvait détruire totalement le vaisseau en le heurtant à une vitesse de quelques dizaines de milliers de milles à l'heure, mais le risque était négligeable. Il existait en moyenne un seul astéroïde par million de milles cubiques. Le fait que l'astronef pût occuper le même emplacement au même moment était si improbable qu'il ne ferait même pas les préoccupations de Poole et Bormann. No way! Au jour 86, ils étaient censés s'approcher, une distance minimale, d'un astéroïde qui n'avait pas de nom, mais seulement un chiffre, 7794. Ce n'était qu'un rocher de 100 mètres de diamètre, qui avait été détecté une seule fois en 1997 par l'observatoire lunaire, et dont seuls les minutieux ordinateurs se souvenaient. Lorsque Baumann prit son car, Karl lui rappela immédiatement cette rencontre, bien qu'il fût improbable qu'il l'eût oublié, puisqu'il s'agissait du seul événement marquant prévu durant tout le voyage. We'll be right back. Le déplacement de l'astéroïde sur le fond stellaire, ainsi que ses coordonnées d'approche, avait déjà été projeté sur les écrans. Figurait également la liste des observations à faire ou à tenter. Les tâches ne manqueraient guère, jusqu'à ce que 7794 passe à moins de 900 milles de Explorateur 1, à une vitesse proche de 80 000 milles à l'heure. Bye. Oui, moi je voudrais rajouter, par rapport à la question, pour moi ce que je garderai comme souvenir de la délégation de l'année dernière, c'est une des animatrices d'un des dispensaires qu'on avait rencontré, et qui sur cette question de qu'est-ce que vous voulez devenir, elle disait, bah, nous on lutte pour que se remette en place dans ce pays un vrai système de santé digne de ce nom, public, etc. Donc quelque part ce qu'on voudrait c'est disparaître, hein, mais en même temps, ce qu'on fait, c'est tellement bien, parce qu'il y a évidemment l'autre question qui est derrière ça, c'est la question de la méthode de travail. Évidemment que le fait de travailler sans échange marchand, c'est totalement démarchandisé, puisqu'il n'y a pas de paiement d'une part. Personne n'est payé, et ça, c'est très important, parce que ce qu'on a vu émerger là, c'est qu'on a vu émerger des pratiques professionnelles, des pratiques médicales, qui changent le point de vue. Complètement, oui. Qui change de point de vue, le rapport à l'usager, au malade, etc. Mmh, mmh. Et de ce point de vue-là, ça, c'est quelque chose qui est très utile. Et que ce qu'elle disait, c'est que nous, on voudrait que ça puisse continuer. Alors, éventuellement, dans un service public, ça a déjà existé. Par les temps qui courent, c'est pas ce qui est le plus facile. Mais voilà, il y a aussi cette dimension-là qui me paraît très importante. Donc, une contradiction. On voudrait disparaître, mais ce qu'on fait, c'est tellement bien qu'on voudrait que ça renaisse dans un autre cadre. Mmh. Bible size. so educated as a man with a voice. One thing follows another, yet if I learn you have no choice. I went my way into the heart of the crowd. I went my way into the heart of the crowd. I was shocked to find what was allowed. I didn't lose myself in the crowd. Effectivement, nous nous sommes rendus, je crois que c'était le premier dispensaire que nous avons visité dans le centre d'Athènes, près de la place Omonia. D'ailleurs, c'est impressionnant, quoi, parce qu'on est vraiment au centre d'Athènes, on n'est pas du tout dans un ghetto, et il y a là un dispensaire où toute la population se rend pour se faire soigner. Donc ça représente bien l'importance des besoins. But the same thing, two different names. Et donc, dans ces dispensaires, alors bien sûr, chaque fois que nous avons visité un dispensaire, nous avons toujours été accueillis très chaleureusement. On nous fait visiter les locaux. Et il y avait des affiches. Leurs locaux sont toujours bien décorés. Et il y avait des affiches. Alors, il y avait deux affiches. Il y avait une affiche qui était en français, qui était à l'appel à la résistance, et qui était donc qui faisait mention à la résistance pour le CNR, pour la mise en place de la sécurité sociale française. Donc cette affiche était là en français, et donc elle est quand même très symbolique. Et il y avait une deuxième affiche qui était écrite en grec, et bien sûr on a demandé à ce qu'il y ait une traduction. Et cette traduction, en fait, c'était un appel c'était une mise en place de la solidarité avec Kobané. Yeah. you anyhow. Your sour face won't get me onside, neither will your snaky smile. Your hardship won't get me onside. I've seen your schemes and I've heard your lies. Poor cow, poor cow. Spin as much as it likes. I won't exercise. It's a waste of time. Your verbal waste might stick to the wall, but on me it has no effect at all. Poor cow, poor cow. Nobody even ever let you in your house. Poor cow, poor cow. Nobody even ever let you in. Donc Kobané, c'est la ville que les Kurdes défendent, ont défendu vis-à-vis, enfin, dans la crise, dans l'état de guerre où ils se trouvent. Et les Grecs ont envoyé, enfin, le mouvement des dispensaires ont envoyé une délégation pour soutenir Kobané. The ground, I have heard the crying sound. No one can stop you now. No one can stop you now. Our eyes are walking in the sun. No one knows why she did the things she's done. Oh, shame, swallow me now. Oh, shame, swallow me now. In the garden with my mother I stole a flower. With my mother and in her power I stole a flower. I saw six eyes glistening in my womb. I felt to me in the gloom. Rest assured, your love is pure. Rest assured, your love pure. In the garden with my mother I stole a flower. With my mother in her power I chose flower. Alors, elles sont très nombreuses. Il y a plusieurs raisons à ça. Une des raisons, c'est qu'en Grèce, le chômage touche très particulièrement les femmes. Plus de 70% des femmes sont au chômage. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, et c'est un peu un des buts de ce dispensaire, c'est de faire en sorte que les gens ne restent pas tout seuls. Donc, quand ils ont besoin d'aller se faire soigner, on ne se contente pas de les soigner, mais on parle aussi avec eux, de façon à ce qu'ils ne soient pas obligés de revenir uniquement lorsqu'ils ont besoin de soins, mais qu'ils reviennent aussi pour participer aux activités du dispensaire et puis pour ne pas être tout seul chez eux. Mmh.